Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui parle de radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure chaque mois et du parcours radiophonique d'un invité. Et si vous pensez que le chiffre 13 est un chiffre qui porte malheur, alors mon invité va vous prouver que non. Vous l'aviez déjà peut-être entendu à la radio d'il y a 30 ans, masqué derrière ce chiffre. Et depuis, il n'est pas passé sous une échelle, hein. Non, ça porte malheur. Mais il l'a plutôt escaladé pour gravir les échelons. Et actuellement, on le retrouve à la direction des programmes de Sud Radio. Mon invité se nomme Bruno Dubois. Bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans la mécanique des ondes. C'est très gentil, tant que je ne dois pas mettre les mains dans le cambouis, ça ira pour la mécanique. Vous inquiétez pas, elle est très bien huilée. Ça va. Tout comme votre parcours aussi. Parcours qu'on va commencer avec la question traditionnelle. Bruno Dubois, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ah oui, parce que moi j'ai démarré sur une radio associative qui s'appelait Radio Plus à Aix-en-Provence. C'était la radio de la MNEF. L'antenne était sur le toit, là, vous êtes depuis la Tour Eiffel, non, je pense? Oui, tout à fait. Et donc, c'était en 1984, j'étais encore au lycée, et un beau jour, j'ai débarqué dans une radio, parce que j'étais chanteur dans un groupe, et il y avait marqué au tableau, au-dessus de la vitre, tout comme là, il y avait marqué « Pensez à poser vos congés », et je demande à l'animateur « Mais vous cherchez du monde ?» Il me dit « Ouais, passe mercredi, on verra ça ». Et je suis arrivé le mercredi, et le lundi d'après, j'étais là tous les soirs à l'antenne. Donc alors, c'était formateur. Alors, est-ce que c'était ce moment-là qui a été l'élément déclencheur non, de la radio? Non, j'avais essayé de faire de la radio avant, 2 ans auparavant, quand les radios libres sont arrivées en 1981. Alors moi, j'écoutais la radio, hein. J'étais un fou de radio, j'ai été élevé à Jean-Pierre Foucault sur RMC à 8h30 avec le passage d'antenne avec Léon. J'étais fou de musique et de rock, donc j'écoutais Motus avec Pierre Veil entre minuit et 1h du matin sur RMC, parce que j'étais à Aix-en-Provence pour le préciser, et j'attendais minuit pour déclencher un vieux magnéto à bande de mes parents qui me permettait d'écouter l'émission le lendemain. Et là, je me souviens même du générique, c'était Stanley Clark avec School Day. Donc c'était vos premiers contacts? Mes premiers contacts avec la radio quand j'étais petit, et puis après c'est vrai que ça me faisait rêver. Donc quand les radios sont arrivées en 1981, c'est un peu toujours la même histoire des vieux de la vieille en radio. Là j'étais un peu trop jeune, mais j'avais déjà fait une maquette avec une cassette, hein, ma radio cassette à l'époque, en m'enregistrant, et j'avais envoyé la maquette dans une radio, mais ça devait pas être encore ça. On m'avait dit c'est bien, mais continue à travailler. Alors, je voulais savoir aussi, au niveau des études, la radio, est-ce que ça a guidé vos choix, vos orientations? Moi, j'ai arrêté mes études pour la radio. Donc, peut-être que j'en aurais pas fait beaucoup après, mais j'ai commencé la radio en terminale. Et comme je faisais ça tous les soirs, ça a un peu nuit à mes résultats scolaires. Et puis tout de suite, j'ai eu la chance de rentrer dans une radio qui payait, comme on disait à l'époque, une radio locale qui s'appelait Radio Méditerranée Provence. Donc ça m'a permis d'en vivre. Et puis après, derrière, j'ai enchaîné avec une grosse radio, pour la petite histoire, qui était à Aix-en-Provence aussi, qui s'appelait Radio 5 sur 5. Et quand je passais mon bac, il y a l'examinateur, non, le surveillant, qui dit « Bon, vous m'avez compris, hein, pas le droit de tricher, vous m'avez entendu 5 sur 5 ». Et là, toute la salle se met à rigoler. C'était le nom de la radio concurrente dans laquelle je travaillais. Je me suis dit « Je pense que celle-là a la plus de notoriété ». Donc je suis allé y travailler après et elle s'est transformée en Énergie Aix-en-Provence. Et alors, qu'est-ce que vous apprenez dans ces radios? Est-ce qu'on vous formait? Vous vous auto-formiez vous-même? Alors, au début, c'était de l'auto-formation. Je sais pas ce que c'était la radio. J'avais beaucoup écouté la radio, donc j'avais quelques codes innés. Surtout qu'à cette époque-là, tout le monde, je sais pas, on était 50 000 ou peut-être 100 000 à faire de la radio. Et puis, je parle de 1981 à 84. Puis après, quand ça s'est professionnalisé, on est passé à 5 000. Et puis, 5 ans après, il en restait 150. Je pense que tous, on avait dans l'idée les émissions qu'on écoutait. D'ailleurs, il y a un petit exemple. À l'époque, il y avait une émission qui cartonnait, qui s'appelait Feedback de Bernard Lenoir sur France Inter. Et quand les radios libres sont arrivées, il y avait 10 000 personnes qui faisaient la même émission sur d'autres radios et qui essayaient de refaire la même chose en passant du rock. Voilà. Donc c'était hyper formateur. Et puis après, ça s'est professionnalisé. Donc oui, il a fallu apprendre son métier. Oui. Je pense avec l'arrivée d'énergie, notamment, comme vous l'aviez dit juste avant. C'est vrai que moi, j'étais sur une radio. Alors, c'est d'ailleurs, l'histoire d'énergie est très liée à la radio à laquelle je travaillais, qui était 5 sur 5, puisque Max Guazzini, qui est le patron emblématique d'énergie, même si ceux qui dirigent actuellement énergie sont très bien. Salut Gaël. Voilà, c'est lui qui a lancé énergie parce qu'il y a amené des méthodes, notamment de programmation musicale, de forte rotation de musique depuis les États-Unis. Et donc, il l'a implémenté en France, mais surtout Max Guazzini était d'Aix-en-Provence. Ses parents habitaient à Venelle, qui est une petite ville à côté un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Et donc moi, la première fois que je l'ai vu, je savais pas qui c'était. Et c'est lui qui m'a fait mon premier coaching de radio. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc là, de nouvelles règles, vous professionnalisiez un petit peu, je pense, au micro. Après, l'énergie, je pense qu'il y avait des règles. Oui, il y avait des règles, mais je crois que c'est un peu comme pour tout. Déjà, pour faire la radio, normalement, il faut avoir une voix, il faut avoir un peu de talent, mais il faut surtout du travail. Et ça, c'est vrai que je ne me rendais pas forcément compte quand j'étais jeune, mais j'avais envie de progresser. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un entourage, de comprendre suffisamment vite. Et c'est vrai que des coachings, même s'ils ont duré une demi-heure de quelqu'un comme Max Guazzini en 85, ça vous forme un peu pour le reste de votre carrière, de comprendre instantanément ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Carrière qui a continué ensuite. Alors, est-ce que c'était en national juste après ? Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais donc à Énergie Aix-en-Provence, c'est une des premières radios qui a eu une parabole pour recevoir le programme national. Et je travaillais dans à 5 sur 5, et donc qui était devenue Énergie et qui était aussi la radio de la discothèque qui était en dessous, et j'en étais le DJ, qui était le Rétro 25 à Aix-en-Provence. Donc j'avais une vie plutôt sympa, hein, aux platines d'une grosse boîte de nuit à Aix-en-Provence, et puis en même temps animateur de radio. Donc quand j'en suis parti, parce que j'en suis parti, on m'a dit « Mais pourquoi tu t'en vas ? T'es le roi ici. » Je dis « Oui, mais je suis le roi, ça n'a pas grand intérêt d'être le roi, il faut avancer dans la vie. » Et justement, il y avait la parabole qui était arrivée, et je me souviens de l'installateur qui dit « Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir ce que je suis en train d'installer. » Ben, j'avais bien compris qu'au final, mon patron, il allait pouvoir se passer de moi, puisqu'il aurait le programme qui arriverait gratuitement depuis Paris et qui pourrait diffuser. Et ça n'a pas loupé, parce qu'il y a un animateur qui est parti, donc il a monté le potard et il a diffusé le programme parisien, même s'il pas forcément le droit. Donc je me suis dit, il faut que je monte sur le satellite, selon l'expression, donc il faut que j'aille faire de la radio depuis la tête de réseau. Et c'est là que je suis parti à Nostalgie, qui était à Monaco. Ah d'accord, donc voilà. C'était pas par... Non, j'ai commencé... une bêtise, ça avait commencé à Lyon au départ. Oui, ça a commencé à Lyon et ça avait été racheté par RMC. On le savait, les auditeurs le savaient pas, mais le programme à partir de 1987 partait depuis Radio Monte Carlo. Vous m'apprenez quelque chose. Depuis Monaco, et moi j'avais réussi le concours de Radio Monte Carlo. C'était un peu une Starac ou un The Voice de la radio. RMC a organisé ça. Et donc, j'avais été dans les finalistes. Et entre temps, j'avais été embauché par Nostalgie, justement. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 22 ans. 22 ans. Ouais, donc, alors... j'avais déjà fait 4 ans de radio à Aix-en-Provence avant de franchir le cap sur un réseau. Oui, mais 22 ans, alors c'est ce qui m'a étonné, vous aviez 22 ans sur une radio adulte comme Nostalgie. Alors ça, c'est le truc le plus formateur, c'est-à-dire qu'on fait pas toujours ce qui nous plaît dans la vie. C'est ce que je disais après ce bon nombre de mes équipes, quand je dirigeais les réseaux de Virgin Radio et d'RFM. Et donc, j'ai appliqué les règles que j'appliquais sur une radio comme Énergie, donc ce que j'avais appris pour faire de l'audience, et je l'ai appliqué dans une émission sur Nostalgie qui s'appelait notamment Le Club. Et c'est vrai que les auditeurs qui m'écoutaient pensaient que j'avais 45 ans, que j'avais vécu Salut les copains, les yéyés, que j'avais déjà rencontré Françoise Hardy dans les années 60, alors que pas du tout. Je passais la musique de mes parents, mais quelque part je rentrais dans une posture. Il y avait un cahier des charges à appliquer, et finalement les auditeurs y trouvaient leur compte, mais en revanche j'ai fait bon nombre d'émissions avec l'âge d'or du rock'n'roll sur les genoux, et je le connaissais par cœur. Oui, parce que pour rappel, pour les auditeurs qui n'ont pas connu, Le Club sur Nostalgie était une émission entièrement tournée sur les années 60. Ouais, exactement. Nostalgie, ça avait duré... Et moi, j'y suis rentré en 87, de mémoire, là, vous me faites revenir en arrière, de mai 87 pour moi à juin 89, et entre-temps, j'étais monté à Paris, puisque les programmes avaient été rapatriés à Paris en 88, voilà, en août 88. Alors c'est vrai que dans l'histoire de la radio, ce qui est toujours marrant, c'est les gens avec qui on a travaillé. Et c'est vrai que si on analyse les gens qui étaient sur Nostalgie à l'époque, ils sont toujours là. C'est des gens qui faisaient de la radio, qui avaient franchi une étape et qui étaient rentrés dans le système. Il y avait des gens comme Jean-Luc Reichmann, à l'époque Jean-Luc qui faisait la nuit, puis j'ai retravaillé avec lui puisque j'étais son manager, j'étais directeur d'antenne des programmes pardon de RFM. Il y avait des gens comme Marie-Pierre Chambry, que vous retrouvez actuellement sur RFM avec Patanjali oui. à 17h. Des gens comme Jouvi, avec Frédéric Jouve, qui a été le patron de RTL, qui est maintenant le patron des France Bleu partout en France. Denis Rostania. Denis Rostania, qui a fait la radio. Pierre Galibert, qu'on a connu en voix off en télé, et qui dirige France Bleu Toulouse, pour pas dire de bêtises. Il me semble que c'est voilà. ça, oui. Donc on se retrouve avec des gens comme Pascal Argence, qui a fait aussi beaucoup de radio, je vais en oublier, voilà. Corinne Madec, voilà, c'est mais des gens qui sont, pour la plupart, à 80%, ils sont encore dans le monde de la radio. Oui. Ils font toujours de la radio. Pareil, c'était la jeune génération à l'époque. Voilà, exactement. Mais c'est pareil sur à peu près toutes les radios nationales de l'époque, soit sur Énergie ou des choses comme ouais, ça. Tandis qu'aujourd'hui, sur des radios comme Nostalgie, par exemple, où je prends RFM, Chérie FM, enfin les radios adultes, aujourd'hui, on n'a plus de nouveaux talents, de jeunes voix. Alors, sur les radios adultes, c'est un peu logique parce qu'il faut des gens d'expérience et puis les jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont pas forcément envie, et c'est un tort, d'aller travailler sur une radio qui ne correspond pas à la musique qu'ils écoutent. Hein. S'ils écoutent de la dance, ils vont plutôt aller essayer d'aller travailler sur Fun. S'ils sont électro, ils vont essayer d'aller travailler sur Virgin. Sauf qu'à un moment, on passe pas toujours la musique qui nous plaît, quoi. Tout à fait. Et justement, nous, on va passer de la musique qui vous plaît, Bruno Dubois. Oui. On va faire une première pause musicale. C'est Phil Collins avec In the Air Tonight, histoire de rester dans l'époque. Mais je vous laisse nous en parler. Maintenant, là, alors l'intro est un peu longue, je sais. Allez-y. Mais la première fois que j'ai entendu ce titre, parce que j'étais fan de Genesis, et c'est grâce au rock progressif que j'ai fait de la radio un jour, je remontais de Marseille jusqu'à Aix-en-Provence, et d'un coup, j'ai entendu ça à la radio, et je me suis dit, c'est magique, quel talent quand même. Phil Collins avec In the Air Tonight. Thank you. premier choix musical de notre invité Bruno Dubois. Bah tiens, je vous laisse ce petit plaisir. Désannoncez-le nous comme à l'époque. Phil Collins, In the Air Tonight, hein, sur la fréquence protestante. Et encore des cadeaux pour terminer 88 avec Nostalgie. Le 29 et le 30 décembre, dans le club de 17h à 19h, nous dirons adieu aux chansons de 88 avec des voyages, des disques et des tas de cadeaux. Faites votre tiercé, vos trois chansons de l'année 88, celles que vous avez adorées sur Nostalgie. Si votre tiercé correspond au choix de l'ensemble des auditeurs, une pluie de cadeaux s'abattra sur vous. Envoyez sur carte postale votre tiercé à Nostalgie, le club, 54 rue Labrousse, 75 015 Paris. Le 29 et le 30, avec le club, vous serez gâtés pour finir l'année en musique. Ouais, alors n'essayez pas l'adresse aujourd'hui. Carte postale. Ah bah c'était il y a 31 ans. Ah ouais. Alors je tiens à dire qu'on était en FM, hein, non pas en grande zone ou en onde moyenne non, avec la qualité du son, mais bon. Et je rends à César ce qui était à César. Remercie à Benoît pour cet enregistrement. Benoît qui gère les sites La Bande FM du Loiret. D'accord. Et Affiche Radio et qui a une collection impressionnante d'archives comme ça et de petits sons. Non mais je trouve que c'était bien produit en plus pour l'époque. Mais en fait, c'est vrai qu'on faisait des trucs sympas. Alors c'est vrai qu'à Nostalgie, l'avantage, quand je disais que c'était hyper formateur, on était 8. Alors, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais on faisait tout. On faisait la programmation musicale, on faisait la planification publicitaire, on faisait les promos et on travaillait généralement 7 jours sur 7 puisqu'on était on était à Monaco et que la législation n'était pas la même. Mais on s'éclatait, voilà, c'était hyper formateur, on était tous jeunes et on avait la chance d'avoir entre les mains une radio et voilà, c'était bien sympa. Et alors la suite, Nostalgie, c'est une aventure qui a duré... Alors moi j'ai resté 2 ans, puisque en 89, donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais 22 ans quand je suis rentré à Nostalgie, et à 24 ans, je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai appris plein de choses, mais je vais peut-être pas vieillir avec la radio. Et j'ai une radio que j'écoutais à l'époque, qui s'appelait Fun Radio, et j'ai candidaté pour aller à Fun Radio. Alors tout le monde n'a pas forcément compris, parce que je faisais le 16h, 18h, je pense, à l'époque sur Nostalgie, on me dit, ouais, tu pars, mais tu sais pas ce que tu vas faire. Puis comme ça a été un peu long pour que je parte parce que j'avais une clause et puis un peu de préavis, moi j'ai débarqué 3 mois après avoir été embauché et ma place était déjà prise. Donc là j'ai fait joujou pendant un an, mais c'était très bien pour mes oreilles et c'était très bien aussi pour faire d'autres choses, puisque j'ai fait la nuit pendant 8 mois sur Fun Radio. À l'époque, il y avait encore des animateurs la nuit, et c'est là que j'ai eu comme premier stagiaire qui passait les nuits avec moi des gens comme Manu Lévy, qui fait la matinale sur Énergie, qui a longtemps travaillé avec Arthur, que tout le monde connaît. Des gens comme Eddie Gronfier, qui est un producteur à Los Angeles. Voilà, il y avait tout un petit monde de la radio qui était là. Des gens comme Alvin, Super Franck, alias Max, que tout le monde connaît. Et ainsi de suite, voilà. Donc c'était encore formateur. Et puis surtout, je suis arrivé dans une radio qui avait, pour ainsi dire, pas d'audience. Et puis quand je l'ai quittée, elle était très très haut dans les sondages, puisque j'y suis resté 5 ans et demi. Et que j'y ai contribué parce que je m'occupais aussi du marketing antenne sur Fun Radio et on avait un logo de planche à voile quand on a commencé. Mmh. Et puis ce logo finalement est devenu une marque de fabrique, alors qu'à l'époque il n'y avait pas d'identité de la radio, mais l'ADN ça s'est construit après avec l'arrivée d'Arthur en 91, Love in Fun avec le doc Eddie Fool, et puis voilà, on devait faire 3 points d'audience quand je suis arrivé et j'en suis parti, on était à 8.5 je crois de mémoire. Alors là pareil, le métier de marque responsable du marketing d'antenne. Alors, il y a une histoire autour de ça. Il y avait un patron à Fun Radio qui était pas très bon pour certains trucs, mais là, il avait eu une bonne idée. Je crois qu'il m'en voudra pas s'il m'entend, parce que cette bonne idée a fait la différence. C'était Benoît Sillard. Après, il y en a eu d'autres après. Il a bien réussi sa vie. C'est-à-dire qu'un beau jour, il a débarqué et il a d'abord changé le nom de tous les animateurs en disant, on va faire croire que la radio, il y a du renouveau et qu'il y a une nouvelle équipe. Donc, c'est pour ça que je me suis appelé 13 et que Difool s'est appelé Difool, justement. Mmh. Et normalement, je devais m'appeler Difool et il devait s'appeler 13, juste pour petite histoire. Et pourquoi ? Parce qu'il avait pris des pseudos de BD. Alors moi, j'ai dit, je m'appelle Bruno Dubois, je peux faire Robin Dubois pour garder mon nom, parce que c'était une BD, j'avais amené la BD. Mais comme j'étais en plus connexionneur de BD et que je m'y connaissais en BD, j'avais fait un paperboard avec plein de noms, et puis chacun avait choisi. Donc il y avait Valérian, il y avait Zarkov, Alvin, voilà, il y avait Mandrake, Bill Cotebarre. Alors Bill Cotebarre, c'était son nom avant, il avait dû changer, il s'appelait Valérian, justement. Donc c'est toute une petite histoire. Et donc on a fait un peu la gueule, mais on a changé de pseudo. Eddie Fool l'a toujours, lui. Je crois que c'est le dernier qui l'a conservé. Et puis donc il avait mis en place autre chose, c'est qu'avec la guerre du Golfe, il avait vu arriver la crise en 91 et il avait dit les gars, vous allez tous avoir une double fonction pour le même prix. Donc moi j'étais animateur et je me suis retrouvé à gérer le marketing antenne. Marketing antenne, c'était surtout trouver des échanges marchandises pour faire gagner des cadeaux à l'antenne. Donc ça m'a permis de toucher à autre chose, de rentrer dans de la négociation, dans de l'organisation, dans de l'opérationnel à l'antenne. Et au final, c'était très très formateur, même si au départ j'avais un peu tiré la langue pour le faire, quoi. Et le pseudo 13, vous aussi, vous l'avez gardé finalement après Fun. Bon, pas longtemps quand même. Non, je l'ai sur pas. Sur Nostalgie. Je l'ai gardé après sur Nostalgie en faisant à partir de 95 des émissions sur Nostalgie jusqu'en 1998, ouais, faites remonter en arrière. Là. 98, ça va, je reste en 1900, donc ça va, je me trompe pas encore. 1998, ouais, pendant 3 ans, avec différentes émissions, un hit parade, une émission en duo avec Lio. Et puis encore une belle aventure, parce que j'ai survenu à Nostalgie. Ils m'ont demandé de revenir et puis j'ai retrouvé la famille de Nostalgie que j'aimais bien. Puis j'ai fait des belles rencontres, notamment avec Liu, mais surtout avec quelqu'un qui compte particulièrement pour moi, qui s'appelle Stéphane Bosque, qui est le Dable et qui est le patron d'RFM maintenant. Et avec qui, voilà, c'était mon encore un qui était mon assistant à la base et qui a fait une belle carrière derrière. Voilà. Et alors après Nostalgie, là on vous retrouve. Alors, regardez mon LinkedIn. Voilà. Non, vous pouvez vérifier. Il y a RTL 2. Oui, RTL 2 parce que Nostalgie a été. Alors on va essayer de faire court parce que c'est toujours un peu long. Nostalgie a été rachetée par le groupe Énergie. Et c'est vrai qu'à l'époque, Nostalgie, quand j'y étais jusqu'en 98, c'était un peu une mini généraliste. Ça parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de vedettes. Il y avait aussi bien Jean-Michel Larquet que Georges Belair, oui, Nathalie Simon, Sophie Davant aussi. Sophie Davant, voilà. Et derrière, quand ils sont arrivés, moi, ce qu'ils avaient entendu, ce que je faisais à l'antenne, même si je savais le faire parce que je l'avais fait avant sur Fun, ça correspondait pas à ce dont ils avaient besoin. Et donc, mon contrat se terminait et j'avais anticipé. Et je suis parti à RTL2, retrouver quelqu'un que je connaissais bien, puis qu'il en dirigeait l'antenne, qui était Frédéric Jouve, avant que j'avais connu à Nostalgie. C'est un petit monde. Oui, et c'est après, ce que j'ai fait la matinale d'RTL2, donc pendant 2 ans, et après je suis parti à Europe 2. J'accélère un peu, hein, parce que sinon... Et donc Europe 2, pareil, je me retrouve dans une configuration où l'équipe est là, mais la radio marche pas. Je me rappelle toujours Frédéric Schlesinger qui m'embauche, qui me dit on peut pas tomber plus bas, inconsciemment, je dis on peut toujours tomber plus bas, et donc l'audience baisse encore, et j'y suis arrivé à Europe 2 avec Coé, avec qui j'avais travaillé à Fun Radio et qui en prenait la direction d'antenne. Et pour la petite histoire, donc je quitte RTL 2 en faisant une négociation en une journée, puisque je devais partir en voyage de noces au bout du monde, et que sur le parking d'RTL à l'époque, rue Bayard, je me retrouve à négocier au téléphone avec quelqu'un que je connaissais bien aussi, qui s'appelait Jean-Pierre Millet, que je connaissais d'Aix-en-Provence, qui lui était à Los Angeles, et on est en train de négocier. Je lui dis ok, mais je m'en vais, donc il me faut un petit papier. Et donc je me rappellerai toujours, j'avais mis un t-shirt pourri pour aller faire la matinale parce que je prenais l'avion à 17h, ma valise était faite, et je me suis retrouvé à me présenter dans le bureau de Frédéric Schlesinger pour signer ma lettre d'embauche et aller donner ma démission 10 minutes après à RTL2. Voilà. Surtout qu'à l'époque, il y avait juste besoin de traverser la rue. Il y avait besoin de traverser la rue, et l'histoire, c'était que Coé m'avait dit où que tu signes, tu m'appelles avant de signer. Et donc, entre rue Bayard et rue François 1er, j'appelle Coé et je lui dis tu m'as dit de t'appeler avant que je signe quelque part. Je vais signer à Europe 2. Il me dit c'est bon, tu peux y aller. Et donc, on ne savait pas encore, mais il allait prendre la direction d'antenne, et c'était lui aussi qui avait cherché à ce que je rejoigne les équipes. Donc Europe 2, ensuite il y a eu la sœur RFM. Oui, la sœur RFM, donc j'ai fait 4 ans à Europe 2, avec encore une grande période, puisque là on a connu un énorme succès avec une audience qui est montée très très haut. Ça s'est pas fait instantanément, mais ça s'est construit. Et là je suis parti sur une radio plus adulte, puisque à ce moment-là je vais avoir 40 ans, et j'évolue, puis RFM me convient bien, et j'ai fait de l'antenne pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, j'ai pris la direction des programmes d'RFM, que j'ai gardé pendant 6 ans. Et là, j'ai arrêté l'antenne et je suis devenu manager de radio. Donc, comme je le dis souvent, j'ai quitté le t-shirt promo de Saltimbanque pour enfiler la veste et la chemise et manager une radio. Et alors, comment ça s'est passé au début, en tout cas, pour mettre en place Alors, c'est vrai que j'avais toujours fait plein de choses. Je m'étais occupé de la communication de France Soir. Je m'occupais d'une grosse association, Grandir à l'école, à l'époque, où on avait fait beaucoup de buzz. Donc, entre guillemets, je faisais de la radio, j'étais à l'antenne, mais j'avais toujours eu deux cordes à mon arc, des choses qui rapportaient de l'argent parfois, des choses qui rapportaient pas du tout, mais j'étais toujours un espace de création. Et donc, la DRH de l'époque s'était un peu aperçu que j'avais des capacités pour piloter une radio. Et surtout que je m'y connaissais, et donc elle m'a proposé de rejoindre RFM en tant que directeur des programmes. Et là, ça a été un énorme challenge parce que une radio avec beaucoup d'enjeux, qui générait beaucoup de chiffres d'affaires et où le point d'audience valait beaucoup d'argent. Donc une remise en place, une gestion de la grille, puis pendant 6 ans, et puis un record d'audience qui est toujours d'actualité. Voilà. Mmh. Et après ça, vous avez gardé la même veste, mais en dirigeant les réseaux, cette fois-ci de Virgin et RFM. Donc pendant 6 ans, j'ai dirigé RFM en tant que directeur des programmes, avec notamment une belle aventure avec Jean-Luc Reichmann pendant 3 ans, qui faisait la matinale. Et puis derrière, au bout de 6 ans, il fallait penser à faire autre chose. Et là, je me suis dit, il faut que je retourne un peu plus dans les choses qui se voient moins, c'est-à-dire diriger une radio, mais s'intéresser aussi à l'aspect technique, à l'aspect autorisation d'émettre, à la gestion des gens en région. Donc j'ai pris la direction des réseaux de Virgin Radio et d'RFM. Donc ça faisait 120 personnes à peu près. Ouais, c'est ça, c'est un réseau très vaste en matière de... Oui, un des plus gros réseaux, avec donc beaucoup de terrain, aller voir les gens sur place. Et puis j'ai déclenché à ce moment-là quelque chose dont on avait énormément besoin, c'était la promotion terrain. C'est-à-dire de transformer les animateurs. Donc j'ai fait un peu ce que j'avais vécu moi avec Fun Radio à l'époque, c'est-à-dire que j'étais animateur et j'étais devenu quelqu'un de promotion en m'occupant du marketing antenne. Et là, j'ai basculé, alors ce qui se faisait déjà par exemple dans le groupe Énergie, j'ai basculé les animateurs en animateurs relais promo. Donc pour certains, c'était très compliqué parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Mmh. Et puis pour d'autres, ça a été hyper formateur. Et d'ailleurs, je suis très content que certains aient arrêté la radio parce qu'ils n'avaient pas réussi à franchir un cap et à monter sur le natio, comme on disait, et qui maintenant s'occupent de promos, de com dans des startups, sur d'autres radios. Et je leur disais à l'époque, on en reparlera, mais vous verrez que ce sera peut-être votre avenir. Et donc ils y ont pris goût et surtout ils ont été formés par le terrain de la radio. De la vraie transmission. Quoi. Ouais, de la transmission. J'aime beaucoup ça, la transmission. Mmh. Parce qu'il faut partager. Eh bien, on va transmettre à nos auditeurs votre deuxième choix musical, Bruno Dubois, pour la transition. Là, c'est Angèle, si j'ai bonne mémoire, avec un titre qui s'appelle Le Flou. Et c'est Je veux tes yeux. Voilà, Le Flou, c'est le dernier single. C'est ça. Parce que la programmation musicale, ça fait partie de ma vie aussi, puisque comme j'ai travaillé sur des radios musicales, et c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est vrai que Angèle fait partie de ces nouveaux artistes que je trouve exceptionnels. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça sur Fréquence Protestante. Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'inventes pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Oh, Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Tellement en photo, je veux les deux. Je veux les deux. Sans sentir ta peau, je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Angèle, je veux tes yeux. Ah là là, quelle chanson. Cette chanson, c'était son premier titre qu'elle a mis sur YouTube. C'est comme ça que ça se fait maintenant. C'est ma fille qui me l'a fait découvrir. Et derrière, il y a eu un travail. Tout l'album est fantastique et c'est devenu une star en l'espace de un an et demi. Elle est belge. Oui, tout à fait. Voilà. Et Bruno Dubois n'est pas belge. Non. Non, il vient du Sud. J'aurais pu parce que je suis né à Valenciennes et oui, la Belgique, je connais un peu. Ah d'accord, moi j'allais dire du Sud, bah, je me mais suis planté. Oui, non, non, je suis né à Valenciennes, élevé à Aix-en-Provence et marié à une Bretonne. Et justement, bah, le Sud, d'adoption, voilà, bah, le Sud, on va dire que le Sud, vous y êtes un petit peu retourné radiophoniquement parlant. Oui, on va dire, dans après le nom, RFM. Dans la marque avec avec Sud Radio. Alors c'est vrai que c'est un magnifique challenge Sud Radio parce que cette radio est une belle marque hein, qui existe depuis Radio Andorre, qui a, il y a des décennies. Elle faisait partie de ces radios périphériques, hein, aussi bien. Voilà, avant c'était partagé. Hein. Le Nord c'était RTL Europe 1, RMC le Sud-Est, oui. Et Sud Radio le Sud-Ouest pour remettre dans son contexte. Et c'est vrai que c'est une radio qui a été en jachère. Elle avait été rachetée en 2008. Et puis ceux qui l'avaient racheté n'ont pas eu les moyens de leur ambition et elle a été rachetée en fin 2013 par le groupe Fiducial qui en est maintenant propriétaire et qui l'a relancé petit à petit et moi j'y suis arrivé en juin 2016. Pour relancer vraiment la dynamique avec une nouvelle grille et avec pas mal de choses qu'on a mis en place. Et c'est eux qui vous ont sollicité ou... Alors je crois que tout Paris a postulé pour ce poste parce que c'est pas tous les jours qu'il y a une radio généraliste qui se relance. La dernière auparavant ça avait été il y a plus de 15 ans maintenant RMC et que après mon parcours avoir dirigé une radio musicale, un gros réseau comme RFM, avoir dirigé un réseau comme Virgin Radio RFM, voilà, c'est la plus belle chose que je pouvais avoir entre les mains, avoir la capacité de faire renaître une radio et de lui trouver ce qui nous fait faire de la radio, c'est-à-dire trouver les auditeurs, donc construire un beau programme, une vraie stratégie de programme, voilà, de redonner de l'ADN à cette station qui n'en avait plus. La plupart des gens connaissent, parce qu'on a encore beaucoup de travail, connaissent la marque, mais ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et c'est la plus grosse difficulté en radio. Mais c'est ça, oui, c'est ce que, comme vous l'avez dit, c'est un nouveau challenge professionnel. Ah oui, c'est un vrai challenge professionnel, mais tous les gens qui travaillent à Sud Radio sont des challengers et ils ont envie d'arriver justement à faire quelque chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je l'ai réussi avec Fun Radio à une époque. Je l'ai réussi aussi avec Nostalgie. Je l'ai réussi avec RFM et j'aime ce goût de la victoire. Mmh. Voilà, de se mettre des objectifs et d'arriver à gagner. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, ça permet énormément d'avancer et de construire. Mmh. Et là aussi intéressant aussi, c'est là vous parlez d'une radio généraliste. Jusque-là, ce n'était que des radios musicales. Alors, que vous avez fait. Il y a qu'en France qu'on a tendance à cloisonner. Hein, aux États-Unis, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Non, mais justement, j'allais bondir sur ma question, en vous demandant justement, est-ce qu'on dirige une radio généraliste comme on dirige une radio musicale? Alors, une radio, c'est trouver ses auditeurs. Une radio, c'est définir l'ADN. Et puis après, je vais fonctionner par analogie. Toutes les périodes où des radios généralistes ont fonctionné, elles étaient pilotées par des anciens de FM. Je parlais tout à l'heure de Frédéric Jouve, RTL, qui était aussi avec Axel Duroux, qui était l'ancien patron de Fun Radio et d'RTL2, quand France Inter a cartonné. Ça a moins réussi pour Europe, hein. C'était Frédéric Sessinger, qui était l'ancien patron de RFM. Quand on regarde nos concurrents directs RMC, actuellement, c'est Morgan, l'ancien patron d'énergie. Et moi, quand j'entends ces radios et que je les écoute, j'entends qu'il y a une culture FM. Il y a une culture, entre guillemets, de la proximité avec l'auditeur, c'est cette culture-là qu'on amène, cette culture aussi de l'instant, c'est-à-dire de ne pas louper des moments. Il faut pas qu'il y ait de faiblesse dans un programme, sinon l'auditeur il s'en va. On sait pas pourquoi il vient, mais souvent on sait pourquoi il part. Donc c'est ça qu'il faut gommer et c'est tout ce rythme qu'il faut donner à l'antenne. Alors vous parlez d'une marque à développer, à construire, à faire connaître. Je voudrais juste passer rapidement sur un sujet qui peut être intéressant, c'est le DAB+. Alors, ouais. Alors le DAB+, c'est un tuyau. Hein. Alors, il y en a qui nous écoutent là sur Fréquence Protestante. Hein. C'est bien de citer la marque. Ils se disent, mais c'est quoi le DAB+? Le DAB+, moi j'ai tendance à dire, c'est un peu comme quand vous regardez la télé, vous vous posez plus la question de savoir si c'est le râteau qui est sur votre toit, si ça arrive par la DSL, par la fibre, par la parole satellite. Ce qui vous intéresse, c'est le programme. Et donc le DAB+, c'est ce qui devrait consolider les difficultés que rencontre actuellement la FM. Il n'y a plus de place en FM, partout c'est saturé, hein, les fréquences, il faut qu'elles se juxtaposent, mais il ne faut pas qu'elles se perturbent. Et donc le DAB+, c'est un peu comme ce qu'on a connu avec la TNT à l'époque, c'est la numérisation de la radio. Et un énorme avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de place et ça laisse surtout de la place aux nouveaux entrants dont nous faisons partie avec Sud Radio. Donc j'ai tendance à dire, quand j'étais chez Lagardère, j'étais contre parce qu'on dépensait, on dépensait beaucoup d'argent pour pas de monétisation, puisque c'était juste un complément à quelque chose qui existait déjà en FM. Là, maintenant, nous, Sud Radio, on n'arrive pas à avoir de fréquence. On en a eu deux depuis que je suis là. On a eu Chamonix et Thonon. Ça va pas bien loin. Oui, je sais, mais c'est pas drôle, monsieur. C'est pas drôle. Ouais, j'arrive. Voilà. Mais on va là. Et on a 73 fréquences, alors que depuis qu'il y a le DAB+, on peut nous écouter à Lille, on peut nous écouter à Strasbourg, on peut nous écouter à Lyon, on peut nous écouter à Nantes, on peut nous écouter à Rouen et au Havre depuis la semaine dernière. Donc, je crois que c'est important que finalement chacun puisse trouver sa radio et que tous les auditeurs aient la capacité d'écouter. Alors, il faut bien entendu que tout le monde soit équipé. L'avantage, c'est que les autoradios, maintenant qu'on a dépassé 20% de couverture, les autoradios les constructeurs vont être obligés d'intégrer le DAB+. Mais il faut encore franchir un cap, c'est-à-dire que sur votre autoradio, vous avez encore une touche grandes ondes, ondes moyennes, mais vous y allez jamais. Là, le DAB+, c'est un peu pareil. Je sais que Fréquence Protestante à Paris, vous êtes sur le DAB+. Nous, on va y arriver avec Sud Radio. Il faut que maintenant, l'avantage avec les nouveaux véhicules, c'est qu'on est plus sur des tableaux de bord. Et c'est-à-dire, vous voyez apparaître toutes les radios qui sont disponibles, puis il y a un petit logo marqué à côté DAB+ ou FM, mais quelque part, c'est pas le problème de l'auditeur. Il veut juste avoir du programme. Donc, donnons du programme à l'auditeur, puis après, lui, il fera le choix. Il faut lui faire savoir aussi que le DAB+ existe et qu'il est là. Voilà. Et là, il faut travailler là-dessus, mais petit à petit, ça va se faire. C'est un peu comme la FM. Il a fallu passer des grandes ondes à la FM. Voilà. Après, je pense que c'est plutôt sur la diversité du programme, la capacité à découvrir de nouveaux programmes. Et l'auditeur est toujours curieux, donc faut lui laisser la place et qu'il puisse aller chercher du programme, notamment. La mécanique des ondes. Et nous sommes arrivés au sommet de l'échelle de votre parcours, Bruno Dubois. C'est beau. Un très beau parcours, très vraiment. Très très beau parcours. On va continuer maintenant à parler radio avec quelques petites questions. Ah. On va commencer avec la question capsule, une question enregistrée lors de la précédente émission par quelqu'un que vous connaissez très bien, Christophe Marceau. Ah oui, on a travaillé Europe 2 ensemble. Exactement. Ouais, on écoute sa question qui est d'ailleurs très intéressante. Là aussi, votre question d'avenir de la radio. Alors ma question pour l'invité mystère, parce que je connais pas le nom de l'invité à ce moment où je pose la question. Ça fait des années qu'on entend parler du DAB qui arrive en France et qui peine et qui met du temps à être installé. On n'a toujours pas la date de fin d'ailleurs de la FM. Avec les montres connectées qui arrivent via Médiamétrie d'ici a priori 2 ans, moins de 2 ans pour les sondages. Est-ce que vous pensez, invité, que ça va changer beaucoup de choses pour ce qui est du paysage radiophonique et puis pour les audiences des radios, d'avoir cette couverture DAB et d'avoir ces montres connectées? Alors merci Christophe pour ces questions, bien évidemment, question qui m'intéresse. Alors DAB+, j'ai un peu répondu juste avant. En revanche, sur les nouveaux modes de sondage, alors faut savoir qu'en France, c'est Médiamétrie qui a le monopole pour les audiences radio, que ces audiences, elles permettent aux radios commerciales de vendre de la pub, et puis vous avez d'auditeurs, plus la pub est chère, et surtout plus elle vous permet de fonctionner. Nous, Sud Radio, typiquement, on perd de l'argent. Hein. Pour l'instant, on est en construction. Et on conteste un peu les méthodes d'audience de Médiamétrie parce qu'on a eu quelques incidents où on voyait que des auditeurs qui avaient été interrogés, on les questionnait pas sur Sud Radio, ce qui était un peu dommage. Voilà, ça c'est une autre histoire. Moi j'ai tendance à dire que Médiamétrie, quel que soit le système, ça évoluera pas forcément beaucoup, même s'il y a le DAB+, même s'il y a ces choses-là. Le temps d'attention des auditeurs pour la radio il aura tendance de toute façon à baisser un tout petit peu parce qu'on a nos smartphones, on a d'autres choses à faire. C'est plus le média prioritaire pour les auditeurs. Après, il y a un gâteau à se partager, il y a encore un beau gâteau à se partager. Et pour revenir sur le schéma des montres connectées, hein, actuellement, Médiamétrie interroge des gens. On peut vous appeler chez vous et vous dire, vous demander quelle radio vous avez écouté hier. Et là, on va faire tout un recensement sur votre emploi du temps pour savoir si à un moment vous avez écouté Fréquence Protestante, si à un moment vous avez écouté Sud Radio, et puis ils vont comptabiliser tout ça, et puis derrière ils vont sortir des chiffres. C'est très obsolète comme technologie, puisque avant, pour avoir un interview validé, il fallait qu'ils appellent 39 personnes. Maintenant, je crois que c'est plus d'une centaine, parce qu'on est tous embêtés sur nos téléphones, et puis on dit tous aux gens qui nous appellent pour des sondages ou pour nous vendre des fenêtres qu'on n'a pas le temps et que ça nous intéresse pas. Donc là, il y arrivera peut-être un système connecté, un beeper, qui permettrait de capter toutes les radios que vous entendez quand vous vous déplacez. Sauf que beaucoup de gens écoutent au casque et que ça ne recense pas ce que vous écoutez au casque. Donc je pense que les gros radio vont refuser ce système. Voilà, je le dis, c'est mon ressenti là-dessus. Donc on va rester dans le système actuel parce que ça arrange tout le monde au final. Rendez-vous dans 2 ans. Voilà. Pour voir. Il nous reste 2-3 minutes. Bruno Dubois, on va terminer avec le questionnaire rapide. Ouais. On y va ? Allez, go. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Jean-Pierre Foucault. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Radio Monte Carlo. Quelle radio vous réveille le matin ? Sud Radio. Bon, quelle radio vous endort le soir ? Sud Radio. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Alors, dans le salon, chez moi, et en moto, je sais, c'est pas bien. Un endroit où vous ne l'écoutez... j'en étais où ? Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Oui, un endroit où vous ne l'écoutez jamais. Sous la douche, parce que même si je mets l'application sur mon téléphone, c'est pas assez fort, donc j'entends pas tout. Votre meilleur souvenir de radio ? Ah, mon meilleur souvenir de radio... Alors c'est un souvenir. Alors, mon meilleur souvenir de radio, il est pas forcément. J'ai essayé de faire vite. C'est Bercy, la plus grande discothèque du monde, où j'ai pu faire un jingle radio avec 17 000 personnes en leur faisant répéter le slogan de Fun Radio à l'époque. Et là, j'ai compris ce que c'était que l'adrénaline des gens qui sont sur scène. Donc note à moi-même, essayer de retrouver cette archive. je sais pas si elle existe. On verra. Le pire souvenir. Le pire souvenir, non, j'en ai pas de pire souvenir. Si, un rêve que je fais tout le temps et que je fais même encore très souvent, je l'ai encore fait il y a 2 jours, c'est d'être à l'antenne et d'être en retard et de ne pas trouver les éléments qui vont suivre derrière. C'est un cauchemar de radio, ça. On a un invité ici qui l'a déjà raconté aussi, cette anecdote. Bah, voilà, c'est terrible. Ouais. Comme quoi, la radio est un petit monde. Enfin, pour terminer, Bruno Dubois, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Du talent, mais surtout beaucoup de travail et sortez des sentiers battus et évitez d'être un clone, tout en respectant les cahiers des charges. Très bien. Eh bien, nous allons descendre tranquillement de l'échelle, Bruno Dubois, merci. Maintenant. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous en tout cas d'être venu. Donc Sud Radio à retrouver donc sur 99.9 à Paris en Ile-de-France. On vous laisse aller rejoindre vos bureaux. Je vais retravailler là. Ouais, il y a quelques mégahertz qui nous séparent, ça voilà. On n'est pas loin. Merci à Arnaud de l'autre côté de la vitre qui a géré avec une main de maître cette émission. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques sur Fréquence Protestante.